إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بفضل الله تعالى كملنا هذا الكتاب الذي هو شرح منظومات القواعد الفقهية للإمام السعدي رحمه الله تعالى بتعليقات يسير عليه وبعض الأمثلة ونقص عقل. ويعني في النظر في هذه القواعد قصدت كون فيت سيغتان سون فقهية، parmi elles certaines sont usuliyya كذلك، certaines de ces règles tu les retrouveras dans le fiqh كذلك، mais elles se joignent. Donc là comme on a fini le livre سنحاول certaines mises en situation pour voir si c'est assimilé تقريبا. On va pas refaire toutes les قواعد، on va prendre من أهمها، on va essayer. C'est-à-dire que je te mets une situation, une question. Tu me dis que dire ou comment agir. Et tu te rappelles la règle qui va avec. Là, on ne veut pas en soi le dalil de la règle. Là, c'est la règle. La dilé, on les a cités dans les doulous, de ceux qu'on connaissait. Ceux qu'on ne connaissait pas, des fois, l'auteur ne les a pas tous cités. Ce qu'on veut là, c'est est-ce que la règle a été assimilée ou pas. Et si elle a été retenue. Et aussi, des fois, tu n'arrives pas à expliquer le... La règle, on n'a pas un onwan, on n'a pas un titre, on n'a pas un oncel. Tu dis comme tu la comprends. Awalen. Yani, une personne de France, مثلاً, s'en va aux Émirats pour des vacances. Pour une visite. Comme ça. Otla. Hunaka, il rencontre un chef d'entreprise, une grosse entreprise, et qui lui propose de travailler pour lui, à ce frère. Il lui dit, je t'embauche dans ma compagnie, car je vois que tu as le profil approprié pour remplir certains postes. Le frère n'a pas demandé ni rien, il est arrivé, ils sont rencontrés, et après, en discutant, le chaléké lui a dit, toi je vois que Nassalène parle bien l'anglais, ou ce genre de choses. Rael Zaleka. Il lui dit donc, je t'embauche dans ma compagnie à condition que tu vives dans le pays. Tu restes aux Émirats quand même et tu auras un appartement de fonction, une voiture de fonction tant que tu travailles pour moi. Donc, s'il accepte celui-là, il rentre en France et il va voir les frères. Il leur dit, ouais, mon les frères, moi je fais la hijra. Est-ce qu'on le nomme Muhajir Ilman Anou? S'il n'avait pas eu ces choses-là, il n'aurait pas fait. Et il n'était pas parti avec cette niya-là. Et que si jamais demain, il perd son travail, il perd tous ses avantages. Là. L'imad. Son prince, c'était quoi de partir avec sa niya de Hijra. Et donc, le fait qu'il change d'un pays à un autre, ça ne fait pas de lui un mourajet parce qu'il n'a pas la niya de Hijra à Islam. Ouais, il n'a pas mis la niya de quitter le Bayd al-Kouf pour le Bayd al-Islam pour s'approcher d'Allah. Il l'a fait là parce qu'il y a eu un travail. Ça aurait même pu être à New York, ça aurait pu être à Bangkok. Mais bon, là ça arrange, c'est un pays d'Islam à la base. Maintenant il se peut que par la suite ça lui échange. Mais là dans, on parle de l'apparent là, de la Sourah, du Mithal, c'est pas un Muhajir. Yani à la Wajj al-Shad'i. Naam. Tayyib, Arsenta. Thumma. Une personne a trouvé des adillah sahiha sur le tahrim de la musique, instrument de musique et tout. Mais lui, il n'a pas compris la cause du tahrim. C'est-à-dire que l'adillah les a vus, et il les voit comme étant authentiques, mais il dit, je ne vois pas la sagesse d'interdire la musique. Du moins, il y a des musiques, il y a des paroles qui sont... il n'y a pas de vulgarité, ça appelle à la raison, ça appelle même à l'islam. Moi, je ne vois pas que, tu vois, il y a des musiques, je suis d'accord, c'est vulgaire, ça parle de choses interdites, non, mais il y a d'autres paroles, ça incite au bien et tout, avec des instruments. Je ne vois pas où est le mal, je ne vois pas où est la hikma de cela. Donc, qu'est-ce que tu lui réponds? Elle a une réponse générale, on ne veut pas que tu débats avec lui et qu'il laisse sur la musique. Mais qu'est-ce que tu lui... Comment tu répondrais à lui? Je dirais que dirais que le. C'est un musulman, bienvenue. Que le dîle, ça peut être tawqifi. Si tu si t'as un dalil que c'est interdit, c'est haram, mais il y a la hikma. Ah oui, que le dîle a été amené avec des choses qui attirent vers le bien et qui repoussent le mal. Que même si tu ne comprends pas, non. C'est ça, je crois, la règle. Que c'était fondé sur. أن أحكام الدين مبنية على المصالح ودفع القبائح. De façon générale, la religion, ça t'a dit une chose, c'est qu'il y a un bien derrière. Même si tu ne l'as pas compris, toi, et elle n'apporte qu'un bien. Donc, si jamais toi, tu vois que c'est un bien, que la religion te dit que c'est un mal, c'est la religion qui passe en premier lieu. Ce n'est pas ta raison à toi. Même si tu n'as pas compris la hikmah, si tu sais que ta religion, tu fais confiance et que le dalil est sahih, même tu ne connais pas pourquoi, on n'entend pas d'entendre la hikmah pour savoir pourquoi j'arrête cette chose-là, tu ne la fais plus. Taïb, Arsent. Thumma. Normalement, ça là, tu devrais répondre facilement. Toi, tu arrives, Yom El Jumu'a, Koubeil El Maghreb, un petit peu avant le Maghreb, avant la Zen. Qu'est-ce que tu fais? Tu as l'ouzou et tout. Qu'est-ce que tu fais? J'attends, je fais pas ça là. Je fais deux A. Parce que c'est le waqt des deux A. Les deux A mustajab, et puis tahiyat ul majid, je suis pas obligé. J'attends que ce soit la salat. J'attends qu'il fasse la dalle pour après faire la salat. Non. Parce que le waqt avant, il y a plus de profit si je fais les deux A. Arsent. C'est-à-dire que là, tu as deux choses qui se proposent à toi en maslaha. C'est faire. Rakatay tahiyat al masjid pour pouvoir t'asseoir et dans rakat tu peux faire dua et où tu peux attendre que le muazzin fasse l'azan et pendant ce temps là comme c'est jumu'a la dernière heure tu fais dua celle dans lesquelles les invocations sont exaucées biznillah ta'ala et après tu peux l'azan faire tahiyat al masjid ou autre sunnah si tu veux la faire naam. Donc là c'est lorsqu'il y a deux maslaha qui se rencontrent. Tu peux en faire qu'une seule, tu fais celle qui est la plus profitable. On pourrait dire que tu peux faire dehors dans le sujoud, mais à la base, être debout avec ce temps-là, tu auras plus de temps à faire dehors. Arsent. Thumma. Une personne te dit qu'il aime Allah et qu'il aime beaucoup les ibadah. Et que Allah, il aime ceux qui se consacrent à l'ibadah. Donc il dit, moi je veux du hajj. Donc moi, je vois que 4 rakat au dhor, ça ne suffit pas, je vais en faire 5. Parce que je veux que Allah m'aime, plus. Qu'est-ce que tu lui réponds? Il dit, je vais le faire sincèrement pour Allah. Je suis sincère dans ma 5e rakat, je l'ai fait pour Allah. Qu'est-ce que tu lui réponds? Il dit que c'est pas charaï. Au crop. Il dit que c'est pas charaï, que dans les hadiths, c'est venu que tu dois faire 4 et que. C'est ça la réponse. Elle asl fil ibada, dans l'adoration, c'est l'interdiction tant que tu n'as pas une preuve qui te permet de la faire. Voilà ce que tu lui dis. En faisant cela, tu vas innover. Naam. Et tu lui dis, ta niya, tu seras récompensé pour ton amour, mais si tu vraiment tu aimes Allah, tu veux qu'il t'aime, fais ce qu'il t'a demandé de faire, ne rajoute pas. Car en faisant cela, ce sera une cause qui ne t'aime plus, ou qui t'aime moins. Taïe. Des gens. Dans une contrée, dans un pays d'islam, on va dire, tous les Jumu'a, ils mangent du lahm de ibil, la viande de chameau. Si jamais ils en ont la possibilité. Tant que la viande elle est là, ce jour-là, il dit le vendredi, c'est le jour où on mange du chameau. Toujours, il reste là-dessus. Et ils t'en donnent. T'es un de leurs voisins et tous les vendredis, ils te ramènent de la viande de chameau. Qu'est-ce que tu leur dis? Je sais qu'elle a offert. Par rapport à quoi? Je dis. Par rapport à ce qui s'est autorisé ou pas? Moi, je te pose la question. Est-ce que tu dis quelque chose? Qu'est-ce que tu fais? Tu réagis? Non, je. Tu le remercies. Voilà. Laisse. Taïeb, c'est ça. Parce que l'asf il a ada. L'ibaha. Eux, c'est pas une ibada quand ils font ça. C'est une habitude chez eux. Tout le monde dit, on mange du lahm ibil. Par exemple, ça vient de. D'autres villes à côté ramènent du ibil tous les vendredis matin et ils disent c'est l'occasion. C'est chez nous, c'est comme ça. Tous les vendredis, on mange du chameau. C'est pas une adoration, c'est une coutume chez nous. Et cette coutume ne s'oppose pas à Dillah. Donc, naam. Donc, la ada, الأصل العادة الإباحة les choses quotidiennes auxquelles les gens sont accoutumés c'est la permission. C'est des gens disent ouais mais c'est bizarre ça c'est une ibada qu'ils font tous les vendredis. On dit non c'est pas une ibada qu'ils ont fait. C'est une coutume quand même qui est liée au lieu. Autre chose, tu arrives dans un pays, on dit que tu es mutazawwaj, dans un pays où toutes les femmes s'habillent en gris foncé. Ensuite, ta femme elle vient et elle s'habille avec du marron. Et les gens ils la critiquent pour ça, ils parlent sur elle, pas sur toi. Est-ce que leur. Comment tu réagis dans cette situation? Ils te disent, ta femme, elle ne s'habille pas de cette couleur-là. Interdit. Ils te disent, soit rassieds-toi, elle ne sort pas habillée comme ça. Chez nous, la femme, elle ne s'habille pas de cette couleur-là. Ok, je lui dis, ok, d'accord. Limada? Parce que l'adat muhkama. L'adat muhkama, les coutumes des gens. Parce qu'il n'y a pas un dalil qui met une limite. Car à la base, on n'a pas de dalil qui explique, mesalène, que telle couleur obligatoire ou pas, c'est la femme a le choix dans les couleurs, mais dans ce lieu, c'est très mal vu. Ils n'aiment pas ça, ça fait des. Après, les raisons, c'est pas un problème. Ils te disent pas c'est haram, mais ils te disent chez nous, c'est très mal vu, ça fait pas ça. Donc là, à ce moment-là, tu te rebelles pas, tu fais taïeb. L'adad murkama, je l'habillerai comme vos femmes s'habillent. Elle suivra la coutume des femmes d'ici, du pays. Sinon, tu vas te faire remarquer, ils vont parler sur toi, et là, Shan'an, tu ne pourras pas vraiment t'opposer à eux au point de vue Adila, parce que tu leur as posé une chose que là ne t'a pas rendu obligatoire de ta femme s'habille de cette couleur-là dans un lieu où c'est mal vu. Taïeb, tu marchais dans la rue après un jour de pluie et tu as marché dans une flaque juste avant d'aller à la salat. Tu étais en chemin pour aller à la salat et tu as marché dans une grosse flaque d'eau. Pied dedans, ta main même. Taïeb, t'arrives avant la salat, qu'est-ce que tu fais? J'arrive au masjid. C'est-à-dire j'arrive avant la salat. T'es sur le chemin, t'arrives au masjid, ma'am. Il y a une grosse flaque d'eau, t'as marché dedans. Qu'est-ce que tu fais? T'as le temps d'entrer chez toi pour te changer, ma salane. J'ai le temps d'aller chez moi pour me changer et dormir à l'heure. Oh, j'irai à Salat. Pourquoi? J'essaie de réfléchir. Ah, t'as juste le pied mouillé, quoi, c'est ça que tu dis? Ouais, juste le pied mouillé. Ouais, je vais à Salat. T'as même pas de chaussettes en sandales? Ouais, ça a un peu touché ton camis, hein, comme ton camis, l'eau, en marchant. C'est pas grave. Limada. Pourquoi c'est pas grave? Allez, y'a d'or pour la salle. Ok, il va dire c'est une plaque d'eau, l'eau, je sais pas d'où elle sort, qu'est-ce que c'est et tout. Ah, attends, j'ai compris. Parce que l'asl, il met les arbres, ou la terre, etc., c'est pur. Le tahara, non, c'est pur. Donc, t'as pas le droit de savoir, c'est-à-dire cette eau d'où elle vient, je connais pas et tout. On dit là-bas, c'est que c'était la pluie hier, c'est une flaque d'eau de pluie. Pas mal. Elle t'a juste mouillé. Toi, pas de wasawis, va ta salat. Maintenant, si on dit t'as ton chaussette, t'attends d'entrer chez toi, changer des chaussettes. Parce que c'est pas agréable, ça, c'est autre chose. Mais si jamais tu penses que t'as eu le najasa sur toi, ça, non. Y a pas. Ada wal asl. Demain, tu pars en safar, en train. C'est un pays d'islam. Hein. Ou pays de couf, mais tu prends le train et tu es dans un wagon. La salle, tu es dans un wagon. Le wagon à compartiment. Je ne sais pas si ça existe encore. À mon époque, ça existait. Ça existe toujours. C'est un wagon à la base, c'est pas que des sièges d'affilée, c'est comme des pièces. C'est-à-dire, tu ouvres une porte, tu rentres dedans, il y a peut-être six sièges comme ça, face les uns aux autres, et tu fermes. C'est privé un peu. J'ai jamais été dedans, mais j'ai jamais. Taïeb. Et dans ton compartiment, il y a un moussé qui se met à fumer. Une cigarette. Quand même, tu lui dis, arrête de fumer. Il te dit, c'est moi qui fume, c'est pas toi. Qu'est-ce que tu lui réponds? Je lui dis, tu me nuis. C'est quoi la règle? La règle par rapport à ça? Si tu t'en rappelles. La darar wa la dirar. C'est-à-dire que tu te nuis à toi et tu nous nuis à nous aussi. T'as fumé là qui sort là, nous nuis nous aussi. T'as pas le droit. Soit t'es toi tout seul, on te nasiha, tu continues, c'est ton problème. Là, tu nous touches. Donc arrête. On a le droit de te dire d'arrêter maintenant tout de suite. Non. Après, s'il arrête, il arrête pas. Si au pire il veut pas, toi, tu peux te plaindre auprès des autorités ou tu changes de wagon. Faut pas que ça arrive non plus à. Ça dégénère. Donc c'est évitable. Une personne te dit, un musulman, qu'il a une maladie. Une maladie qui n'apparaît que, mathalan, certains jours, et s'en va certains jours, et cela dans la saison de l'hiver. Et il tombe malade plusieurs jours d'affilée, après quelques jours, ça, il se rétablit, après kaza et kaza. Il y a Ramadan qui arrive. Il te dit, moi, je ne vais pas faire ça sur mon Ramadan. Tu lui dis pourquoi? Il t'explique sa maladie. Il lui dit, je rattrape le Ramadan plus tard quand l'été, l'hiver sera fini. Qu'est-ce que tu lui réponds? Je dis non. Tu mets ta nia de. Il est malade, hein? Ah, il est malade à ce moment-là. Ah, ouais, non. La maladie, elle est vraie, elle ne ment pas. Il y a des maladies qui l'empêchent de faire siyam. Mais ça vient des jours, ça part quelques jours, ça vient à Kaza, surtout en hiver. Et là, c'est le mois de Ramadan qui va arriver à ce moment-là. Il te dit, moi, ça sert à rien que je fasse Ramadan, je suis malade, j'attraperai après, en été. Qu'est-ce que tu lui dis? Je sais qu'on a vu la parida, elle m'a chaka, t'aïsir, mais ce qu'il y a dans cette situation. On a. Oui et non. C'est une partie de la réponse, mais ça ne suffit pas. Il y a un autre truc qu'on a repris en plus. Non, j'avais vu que. Il n'y a pas de péché dans la contrainte, mais c'est pas ça. Là, c'est pas celle-là ici. Je sais pas. La règle, il est ajaza anhu al-ba'd. C'est-à-dire, les jours où tu es en état, tu jeûnes, et les jours où tu es malade, tu les rattrapes, mais c'est pas, tu fais tout Ramadan, tu dis je ne jeûne pas. Tu sais pas. Si tu es vraiment malade, ces jours-là, tu les fais pas, et les jours où tu es en état de jeûner, tu les jeûnes. Et ceux qui t'ont manqué, tu les rattrapes par la suite. Alors, tu dis tout Ramadan ne sert à rien parce que je suis malade, et tu sais que ce n'est pas des jours, 30 jours d'affilée, les jours où tu es malade, tu fais pas le siège, et on dit par exemple, quelques jours à la fin de la semaine, pendant deux jours, tu es rétabli. Ces deux jours-là, tu les gênes. Et après, tu rattrapes. C'est-à-dire, si une partie d'une obligation, tu ne peux pas la faire, tu fais ce que tu peux faire. C'est pas tu délaisses tout. Si une partie qui est faisable, tu la fais. Et ce que tu ne peux pas faire, tu la délaisses. Après, si c'est une ibad qui a besoin d'être rattrapée, tu la rattraperas en son temps. Tu as fait l'ouzo pour le zohr. Après, tu as fait la salat du asr. Après, il y a le maghrib qui arrive. L'imam, il fait l'iqama. Tu mets dans le rang, dans le sauf. Après, tu dis, est-ce que j'ai la tahara? Est-ce que tu sors faire l'ozo? Là. Et mada? Sauf si tu te rappelles que. Il y en a. Il y a qu'un laïa zélo bichet. Si tu sais, tu es sûr, tu te rappelles que tu as fait l'ozo pour le zor. Après, tu n'as pas le souvenir d'autre chose. Tu restes là-dessus. Cette tahara, elle est valable toujours. Après, maintenant, si tu es sûr, vraiment, tu as pas autre chose. Mais là, tu ne sais plus. Il s'est rien passé spécial, tu te dis, quand depuis Zor, ça fait un moment, est-ce qu'il se passe quelque chose? Depuis Zor, quand même. Mais tu sais que tu as fait l'odo, tu te rappelles très bien quand tu as fait l'odo, à ce moment-là. Et bien à ce moment-là, non. Tu restes sur le yakin, et le yakin, la yazulu bishak. Taïeb. Mithalun akhar. C'est l'heure de la salat. Tu sors de chez toi. Il a plu. Kazalik. Et le chemin est rempli de boue. Glissante. Tamam. Qu'est-ce que tu fais? Imava. Il nous dit, tout en lazen, tout est là. Il fait beau, le soleil brille. Il ne pleut plus. Il ne pleut plus. Ça fait 2 heures, la pluie s'est arrêtée. C'est pas dangereux sur la route. Je te dis, le chemin il est plein de boues glissantes. Non, non. Je mais il fait beau, les oiseaux chantent, tout. Alhamdulillah. Là. Non, je fais ça là chez toi. Chez toi, les mauvais. T'entends la zen, comme je t'expliquais. Il nous dit, il est pas loin, il est à 100 mètres de chez toi. C'est dangereux, c'est tout ça. Là, ça rentre dans ma chakotte, t'as dit, t'es ici. Car le chemin, tu peux glisser, c'est plein de boue. Tu auras du mal à avancer, ce que tu fais chez toi. T'es excusé à ce moment-là. Tu prends une vraie boue, hein. Celle où quand tu marches, tu vas mettre tes bras pour faire l'équilibre, sinon tu vas glisser, tu vas tomber. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam li Ali radhiyallahu anhu. La tada' suratan illa tamastaha. Qu'il a dit à Ali, ne laisse pas une image, c'est-à-dire qu'il y a un ruh, zat al-ruh, qui est une image qui, d'un être doté d'une âme, sans que tu ne l'effaces. Toi, on dit que tu as un fils, tu es dans sa chambre. Nassalan, tu vois une photo. Et après, dans son portable, tu vois une photo. Tu es dans son ordinateur et tu vois des photos. Qu'est-ce que tu fais? Je les efface déjà. Tu les effaces? Les photos? Ouais, pourquoi? C'est haram. On a vu dans le hadith. Et là, base-toi sur l'exemple. Naam, quel hadith? C'était juste avant. Aywa, c'est quoi le hadith? Tu ne laisses pas une surah sans que tu l'effaces. Naam, et c'est quoi le wajh dalala? Là, c'est pas les mêmes. Là, dans le PC, c'est une vidéo. Dans le portable, c'est une photo. Et sur le mur, c'est un dessin. Là, c'est une surah. Tous, c'est une surah. Tous, c'est une surah. Donc, tous, ils doivent être supprimés. C'est pas certain que tu fais et d'autres tu délaisses. Pourquoi? Pourquoi tu fais pas de différence? Parce que tous, c'est des surahs. Même si c'est fait à la main avec un appareil ou si c'est des vidéos. Mais par rapport au hadith, c'est quoi la règle? Ah, non, absolument. C'est. Tu peux écouter le hadith? La tada' suratan illa tamastaha. Alors, quand il y a un mot qui vient après, c'est quoi déjà? La tada'. C'est comme yakin abu yakinastaha. Je m'en rappelle plus, c'est quoi? Là. Ah bon? T'as confondu. Ok, je m'en. La tada' suratan. La tada' suratan illa tamastaha. Ok, ça englobe toutes les sourates. Pourquoi? En arabe, je ne sais plus comment. Kulna ana nakira fi siyak an-nafi aw an-nahi aw al-istifham aw ash-shart yufidu al-umum. Un mot indéfini dans une phrase de négation, d'interdiction, d'interrogation ou de condition, c'est un sens de généralité, c'est-à-dire toute image. Donc ça, ce hadith, ça lui tout seul, c'est un rod à ceux qui font une différence entre certaines images. Ce hadith tout seul, sans compter les autres. Il a dit Soura, donc il n'y a pas de différence entre celle qui est dans le PC, celle qui c'est une photo de Kaza Kaza. Dans la même série, tu vois une Soura de Mariam avec Isa, alayhi salam, des chrétiens mariés Jésus. Et tu vois une photo d'un savant salafi. Qu'est-ce que tu fais? Je fasse tout. Et tout? Non. C'est un savant salafi. C'est comme. Les autres, d'accord, c'est du shirk. Ils adorent Isa et sa mère. Mais lui, c'est un savant salafi, il n'est pas adoré. Non, c'est haram. Pourquoi c'est haram? Toutes les surahs, il y en a là, il fait de la monde, toutes les surahs. Aïe. Que ce soit un savant salafi, pas mal, que ce soit surah de Mariam, de Isa, même de Bouddha, de qui tu veux, même si tu n'adores pas la sourate, le hadith, il est. Et ça revient à la règle du début que la religion n'attendait pas une chose, c'est il y a une masalih amma derrière. Toi, tu peux te dire, moi, je ne vais pas adorer la sourate. Même si tu ne l'adores pas, tu l'effaces quand même. Arsène. Donc là, c'est vrai que tu vois, ces règles-là, quand on les connaît, normalement, elles sont claires. Elles sont claires. Qu'après ça, tu n'as pas à faire un tafsil dans les sourates. Il n'y a pas de tafsil, la règle, tu la connais. Et tu en as d'autres encore. Masalan, elle, s'il rentre dans le jam, kazalik, yufidu l'umum. La'an Allah al-musawwirin, c'est-à-dire kulli al-musawwirin. Tous. En réalité, zalika. Tous ceux qui font les sourates. Taïe. Une personne est décidée, déterminée à se rendre dans un lieu qui est haram avec sa voiture. Il prend sa voiture, il part. Mais il dit, je vais aller là-bas, je vais regarder c'est comment. Si c'est ouvert, j'y vais. Si c'est fermé, ben je ne l'aurais pas fait. Quand même, je n'aurais pas fait. Je ne sais pas moi, c'est un concert. Il y a un concert. Céline Dion, ma soleil, elle vient en France, il y a un concert, il y va. Il dit, si c'est la bonne heure, il n'y a pas trop la foule, allez, je rentre. Sinon, je m'en vais. Et il dit, j'aurai rien, de toute façon, parce que je ne serai pas au concert, donc j'aurai pas de, j'ai rien à me reprocher. Si elle a voulu que j'y aille pas, donc il y aura, s'il y a la foule, trop, j'y vais pas. Et au moins, il sait que c'est haram, tu vois. Mais il se dit, allez, au moins, je vois pas le péché, c'est pas grave. Ça me consolera, je vois pas le péché. J'aime trop Céline Dion. Je vais écouter sa voix, je veux la voir. Est-ce que c'est ça, rien ce qu'il dit? Non. Limad. Il y a la voix dans sa niya, il veut aller là-bas. Et que c'est malgré lui, en fait, qui en gros, s'il fait demi-tour, c'est pour une autre cause que pour ne pas faire ce haram. Lui. Après, il dit, ah là, c'est trop le monde, ou le concert a été reporté. Ouais, je ne suis pas rentré. Donc, est-ce que j'ai un péché? On dit, Naam, ton trajet en voiture que tu as pris, du moment où tu as mis la niya jusqu'au moment où tu es arrivé là-bas, et que tu es revenu, tu es en péché. Car, elle voit ça, il la hukm al-maqasid. Parce que ta voiture, tout le trajet que tu as fait là, c'était quand tu as niya d'aller là-bas. Donc, c'est un trajet haram que tu as fait. Même si sur leur route, il n'y a pas de haram, rien du tout, tu es parti qu'une niya d'aller faire du haram. Et t'es pas reparti pour Allah, t'es reparti parce que ça a été reporté le concert. Il y a la foule, ou je ne sais quoi comme raison. T'es reparti en arrière, pas par Tawba. Donc, ce que t'as fait, c'est haram. Il y a des Tawba. Tu serais rentré, ça aurait été pire encore, mais là, échec. Mais t'as eu la niya quand même de vouloir y aller. Donc la Tawba, il en a besoin. Une personne jeune, un musulman, pinar Ramadan, il fait un siyam. Et quand dans la Mashafa'al, il a une fitna, il a touché une femme étrangère, Ajnabiya. Masalan, elle est venue le serrer la main. Il n'a pas eu le courage de la rejeter. Elle est venue, elle a tendu la main pour un truc, et il a été trop gêné, il n'a pas osé dire non, j'ai pas le droit. Il lui a serré la main. Et tu sais que le Nabi Salam, dans le hadith, est venu que celui qui se rend une aiguille dans la main, c'est dans la tête, c'est meilleur que de toucher une femme qui lui est étrangère. Est-ce que son siyam il est fasid? Là. Est-ce que son siyam il est annulé? Là. Parce qu'il a fait un péché. Non. Un grand péché même. Là, parce que ce haram là, il n'est pas dans cette ibadah khassa. Mais ça veut dire que ça n'annule pas cette ibadah. Non, car le péché, l'interdiction de toucher cette femme n'est pas lié à la ibadah en soi ou à un pilier de la ibadah, une condition de la ibadah. Non. Quand on parle juste de toucher, hein. Non. Un homme te dit, je te marie ma fille, à condition que vous restez habiter proche de chez nous, c'est un pays d'islam. Elle reste dans le quartier, elle habite proche de nous. Tout est ok, tu as fait le hidba, elle t'a plu, tu lui as plu, le mar, tu l'as, il te dit, le père te dit, short, elle habite dans le quartier. Sinon, on ne te marie pas avec elle. Allah yaftah alayk. Qu'est-ce que tu lui dis? C'est pas un charte charaï. Si. Ah bon? Il n'a pas le droit de te demander ça? Si tu vois un tahrim dans cette demande, montre-le. Est-ce que c'est haram qu'ils disent que je veux que ma fille elle habite à côté de chez nous? Parce qu'on veut la voir, on l'aime beaucoup et on veut la garder à côté de nous. C'est une maslaha. C'est une maslaha, c'est une mafsada pour la personne. C'est-à-dire que tu es obligé de rester tout le temps à côté de chez eux. Tu habites là? À la base, tu n'as pas de maison. Tu es là, tu es célibataire. Tu n'as pas de maison. Tu es dans le pays, là, tu vis dans ce pays-là. Tu te dis, toi, mais tu vis, il faut que ma fille elle habite à côté de chez nous. Je vois pas quelque chose qui peut interdire. Il n'y a rien qui l'interdit. Il peut faire un short, s'il y a une maslaha derrière, c'est un interdit, tu peux accepter. Il t'a pas rendu halal, haram ou le contraire. Il t'a juste dit, moi, je veux que ma fille reste à côté de chez nous. T'as refusé, non? Mais si tu refuses, parce que tu sais que tu veux pas rester ici, toi, ma femme ou quoi, mais tu peux pas dire, c'est un short, t'as pas le droit de mettre ces conditions-là. Il a le droit. Et si tu l'acceptes, tu t'y tiens. Par exemple, si il accepte, tu t'y tiens. Par exemple. Un frère te prête son jawel, son portable. Masha'Allah, il a le dernier Galaxy Samsung pour que tu passes un appel à ta mère qui s'inquiète. Tu prends le téléphone, tu composes le numéro, tu mets ton oreille et quand dans la Masha'Allah, il tombe ta main, il tombe par terre et l'écran il se brise. Téléphone tout neuf, il l'a acheté hier. Téléphone inutilisable. Il te dit, Harry, tu le rembourses le téléphone. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis là. Ben, je lui dis pas comme ça, mais je lui dis là parce que, je lui dis, parce que tu m'as donné l'autorisation. Et étant donné que tu as l'autorisation du propriétaire ou du gouvernement, comme tu dis, tu n'as pas remboursé la chose, tu n'as pas fait exprès de la casser. Voilà, c'est un peu de négligence ou d'excès de ta part. Là, c'est vraiment, il a glissé. Il n'y a rien eu de. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Non. D'ailleurs, toi, Babel Yersen, si tu veux, t'as les moyens pour pas qu'il prenne son œuf, tu peux le rembourser. Tu lui dis que tu ne peux pas m'imposer cela. Si tu me l'avais dit avant que je l'utilise, si tu le casses, par contre, tu me le rembourses. Mais là, tu me l'as prêté pour que j'appelle ma mère, tu es d'accord et tout. Il est tombé. Quand on m'a chauffé, je n'ai pas à le repayer. Non. Maintenant, si tu as les moyens, tu vois que ça fait une fitna. Il dit, khalas, mais t'inquiète pas, je vais payer le. Babel Yersen, c'est tout. Mais Mnhaythul Wujub, il l'aime, il ne peut pas t'imposer de le faire. Tu n'as pas de péché si tu ne le fais pas. Une personne, il a un mosjid qui est assez loin de chez lui. À la base, il va toujours en voiture. À pied, ça fait très loin. Ça fait très loin à pied. Sa voiture, elle est tombée en panne. Mais il a un vélo. Il se dit, ça t'a la maison, ma voiture elle est en panne, je ne suis pas l'homme, il se dit. Et ah, il dit, c'est trop loin et tout. Est-ce qu'il a le droit? Ça dépend si c'est vraiment super loin, mais sinon non. On va dire, allez. Un kilomètre et demi. Non, il y va. Il entend la zone. Il y va. Et ça, c'est même wajib sur lui qui prend son vélo à ce moment-là. Allez, à ce moment-là, qui prend son vélo, c'est wajib sur lui. S'il ne peut pas aller, y aller à pied, il dirait que son vélo, c'est wajib. Al-Wasa'il a hukm al-maqasid. Une personne a un mosquée qui est juste à côté de chez lui. Et il s'est blessé au pied. Il ne peut pas marcher pour aller jusqu'au mosquée. Pas mal. Et sa tajama'a le wajiba. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a ça et on en a pris une plus précise. Pas de péché, c'est ça là? Là, on a pris une règle encore plus précise. Général. Ah oui. Non, c'est pas Darou là. Là. Elle arrive, d'abord elle arrive, par là. Moi, je veux juste El Machaqa Tajibut Taïsir. Ça en dedans. Pas de péché. Là. C'est pas ça là. Ah oui, non. Pas d'obligation dans la contrainte. C'est ça? La wajib bila iktidar. S'il n'y a pas de wajib, ce n'est pas en capacité de le faire. Voilà. Et là, il peut pas, il n'est pas besoin de marcher jusqu'au masjid. Donc la jama'a, elle n'est plus obligatoire pour lui. Il fait la salat chez lui, il peut la faire. Mais la jama'a au masjid, même si c'est à côté, Inch'Allah, il n'a pas à la faire. L'obligation s'annule sur lui. Tu es dans la rue avec un groupe de frères. Et d'un seul coup, il y a une femme, elle tombe dans les pommes. Elle s'évanouit devant vous. Il n'y a personne à part vous. Quand même, il n'y a personne à part vous. Donc, il faut la porter. On ne peut pas laisser partir dans la rue comme ça. Donc, vous la portez. Et là, il y a une ambulance qui arrive. Et vous arrivez proche de l'hôpital. Et une ambulance qui passe à ce moment-là. Il y a un frère qui dit, on l'arrête ambulance. L'autre dit, non, on est presque arrivé. D'abord, la soeur, on la porte. La soeur ou la femme, même si c'est une kafira, on la porte. Dans l'élan, là, on la porte. Qui c'est qui a raison? C'est la prise d'attente. Pourquoi? Parce que la dolora, tu le fais jusqu'à temps que tu as besoin de la faire. Si tu peux t'en débarrasser, enfin, ouais. Tu as fait ce que tu as à faire, c'est plus la dolora, tu plus le. La dolora s'arrête. Voilà. Maintenant qu'une ambulance est arrivée, vous l'appelez, vous mettez sur la civière, hop, elle part. Hop, elle part. C'est fini, il n'y a plus besoin d'apporter. Arsène. Tu es parti en. Tu as fait une sortie en Seyyara, en voiture. Et quand dans la Machafael, tu n'avais plus d'argent et il y a eu panne d'essence. Ta voiture tombe en panne d'essence dans un lieu où à la base tu n'as pas le droit de rester garé, stationné. Sous peine d'encourir une amende ou qu'on saisisse ta voiture. Donc là, t'es parti, il y a un frère qui passe avec sa voiture, connaît ta voiture, mais c'est la voiture de Foulen. Tu vois? Il sort, il regarde et tout. Il regarde dans la voiture comme ça, et je sais pas, on dit, il arrive à voir qu'il y a un problème avec la voiture. Et il sait que la voiture, cet endroit-là, c'est chaud. Ta voiture reste là, la fourrière, ils vont la prendre. Il appelle une dépanneuse pour venir prendre la voiture, pour l'emmener ailleurs, à un endroit où c'est khalas. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'argent, le peu d'argent qu'il a eu. Allez, il a appelé, il dit khalas, le frère, je lui ai dit, miskin. Il appelle la dépanneuse elle prend ta voiture et elle l'amène dans un endroit où il n'y a pas de problème. Après il t'appelle, il dit ah Foulen, ta voiture, j'ai vu qu'elle était à tel endroit et je sais pas, t'étais où, qu'est-ce que t'as fait, mais je craignais pour toi qu'il y ait la fourrière, j'ai appelé une dépanneuse, on l'a déplacée. Il n'y a pas de problème, et toi tu dis ah oh, c'est bien, t'as bien fait et tout, alhamdoulilah, barakallahu fik et tout, jazakallahu khair. Ça m'a coûté 200 euros après par contre, je suis en galère, j'en ai besoin. Est-ce qu'il a le droit? C'est le dernier cours, ça, non? Ah, est-ce qu'il a le droit de te demander ça? Est-ce que ça dépend ou il n'y a pas de ça dépend? Dis ce que tu as et après on verra, Inch'Allah. Parce que je sais qu'il y a deux trucs qui se ressemblent. Ça me fait penser au truc du gage, mais c'est pas exactement, c'est pas pareil. Mmh. Le truc de quand, par exemple, tu payes quelqu'un, et qu'après il te réclame l'argent. Alors que s'il a mis la nia, bon, je vais dire ce que je pense. Ouais. S'il a mis la nia de te faire ça, fils abilillah, il n'a pas le droit de te le demander. Non. Mais si, lui, dans sa tête, c'était un prêt qu'il t'a fait parce que sur le moment, tu n'étais pas là et que. Dès que on va se voir, tu vas me rendre, ben il a le droit. Il n'a pas le droit de demander si, au début, dans son cœur, il a dit bon, allez, je vais l'aider le pauvre, je lui fais. Non, c'est ça, ouais, comme tu as dit. Et on a appris que Man ada an akhihi wajiban law rujur iza nawa. Celui qui a accompli un wajib pour son frère, une chose qui est permise à sa place, tu as coûté de l'argent ou quoi. Et qu'il avait l'année de récupérer cet argent-là, il a le droit de demander. Il a le droit de demander. Et toi, tu dois lui rendre. Parce qu'à ce moment-là, tu allais avoir pire, tu allais perdre ta voiture peut-être, même. Ou payer je ne sais pas combien plus. Donc lui, il t'a aidé. Et le dalil, c'est Wama al-Mursilina min sabil. celui qui est bienfaisant, on ne peut pas le blâmer. Taïb. Une personne se lève pendant Ramadan. Hey. Un matin, il se lève, c'est parmi les premiers jours de Ramadan. Et il fait jour. Et il a soif, grave soif. Il se lève vers le réfrigérateur, c'est un verre d'eau et il boit. Il sait que c'est Ramadan. Après, une fois qu'il a bu, il pose son verre, et il sait qu'il y a une ambiance qui est. Il y a un truc qui ne va pas. Après, il dit Astaghfirullah, c'est Ramadan. J'ai bu un verre d'eau. C'est quoi lui, son jugement? Ah, ça dépend. Ça dépend s'il a mis sa niya. La veille, il a mis sa niya qu'il a déjeuné le lendemain. Enfin, le matin, on va dire qu'il a. Parce qu'il y a ça aussi, si c'est le premier jour, par exemple. Et je pense ça, c'est parmi les premiers jours, c'est pas le premier. C'est pas le premier jour, forcément. Non, il c'est pas de sa faute. Allez voir. Qu'il n'a pas de péché. Il a oublié. On a vu la règle que celui qui fait quelque chose par oubli, par contrainte et puis par oubli, contrainte et ignorance. Par oubli, ignorance, ouais, il n'a pas de péché. Il n'a pas de péché. Ah, sainte. Un frère a acheté un car qui met en waqf pour le déplacement de toulab dans un merkez particulier. Dès qu'il y a un besoin, ce car il est là pour ça, pour mener les toulab. Une muhadara qui est loin, il les emmène. Il y a une hajja, kaza kaza, il les emmène. Pour les toulab. Fakat. Il dit ça, c'est un waqf, les toulab. Après, il y a l'imam du masjid. Il veut prendre ce bus pour mettre sa famille au souk. Que sa voiture est trop petite. Il a sa femme, il a plein d'enfants. Ouais. Ça, vie privée à côté. Il veut prendre ce car pour les emmener au souk. Est-ce qu'il a le droit? Non. Mada. Parce que la condition, c'est que ce soit que pour les toulabs. Ah, et ouais. La qaïda, elle mashroul la yushral. Il a été mis en waqf pour une chose particulière, donc il ne peut être utilisé pour autre chose. Ah, ça. Une personne vient dans un endroit, dans un deken, mathalen, il achète 2-3 courses, il a posé son portable, il prend ses courses, il paye, il s'en va. Il oublie le portable sur le comptoir. Il y a un enfant qui passe, 11 ans, il voit le portable, il regarde à droite, il regarde à gauche, il prend le portable et il s'en va avec. Après, il se fait attraper. Il s'est attrapé par l'autorité. Taïeb. Est-ce qu'on le coupe la main? Il a quel âge? Attends, j'ai un souci. Est-ce qu'il mérite qu'on le coupe la main? Je pars dans la chalière, bien vu. Tu sais pas? Ah non, parce que c'était pas surveillé. Si? Non, le oui, c'est-à-dire il n'était pas dans un lieu protégé. Dans un lieu protégé. Wakazalik, tu l'as dit au début. Par rapport à son âge? Non, il n'est pas bas à lire. Ah, il n'est pas bas à lire. Ouais. Donc là, il y a quoi? Il y a des mawani'a. Les chouroutes ne sont pas réunies. C'est quoi la règle? Al-ahkam la tutam illa bi wujud al-shurut wa ah? Là, ani wa intifa al-mawani'a. C'est-à-dire que là, les chouroutes n'ont pas été réunies. L'objet volé n'a pas été volé dans un lieu où il était sous surveillance. C'est quelqu'un qui l'a oublié devant tout le monde, d'une part. Et d'autre part, il y a un manière, c'est que le voleur, il n'est pas bas à lire. Donc, on ne peut pas émettre de jugement sur lui. Il y a un empêchement, c'est quoi? Il n'est pas bas à lire. Tu es dans un moustachfa, dans un hôpital public. En France, Mathalène, par exemple, tu as, je sais pas moi, tu vas voir un de tes amis, qui est malade, Ziara, t'attends dehors un moment, et il y a un infirmier, il passe, son apparence, il a l'air d'être un musulman, l'apparence de maghrébin, pas barbu, rasé et tout, mais son apparence est musulman, tu vois, il a la marque sur le front, la salam. Il voit que t'attends depuis longtemps et tout. À un moment, il passe avec un plateau, et il met un plateau, il fait, tiens, en attendant, vas-y, mange. Patiente, mais un plat avec de la viande et tout, après il s'en va. Qu'est-ce que tu fais? Ah, la qaïda, c'est qu'à la base, c'est haram. Taram et puis Nissa et puis. C'était quoi? Taram, Nissa et puis. La moelle. La moelle, non. C'est haram. Sauf si tu sais qui l'a préparé. Et si c'est. Non, c'est l'infirmier passe avec les plats de l'hôpital. Pour les gens, après il prend un plateau et puis tiens, en attendant l'arrivée, vas-y, patiente, vas-y, mange. Non. Et même si c'est pas le kada, tu dis le host, c'est pas de bien cette viande. Ah. Ce qu'il veut dire, elle est halal. On a de la viande spéciale pour les musulmans, nous. Donc quoi que tu fais à la base, tu manges pas, tu lui demandes. T'attends qu'il repasse pour dire. Ce qu'il veut dire, ouais, c'est de la viande halal, t'inquiète pas, t'inquiète là, je vais pas t'apporter de la viande qui est haram. Mais toi, il te dit rien, il pose le plateau et il s'en va. Et il te dit, tiens, mange à rire en attendant et tout, et patiente, et bientôt tu pourras visiter Zaid. Et il s'en va. Tu manges de la viande? Non, tu ne la manges pas. Et tu attends de lui demander, par contre. Mais tant que tu n'as pas de réponse, tu ne la manges pas. Tu vois sur le os que les luhum, le os, c'est quoi? C'est qu'elles sont muharrama, tant que tu n'as pas une preuve qu'elle est halal. Et le fait qu'un muslim te la donne, elle vient pas, tu sais qu'elle ne vient pas de lui spécialement ou quoi? Ça te suffit à t'arrêter, t'abstenir. Mais quand il passe, tu dis, ah, au fait, la viande, elle vient d'où? C'est quoi comme viande? Et il va dire, non, ça c'est la viande, c'est menu pour les musulmans, t'inquiète pas, c'est moi, je m'occupe de la cuisine et tout. Mange, il n'y a pas de problème. Ça a fait la fin, j'ai oublié de te le dire. Tu peux manger de la viande. Non, on peut manger. Ah, c'est, après il dit que il te dit, la viande, elle est halal, kaza, kaza, il t'a dit, c'est lui qui assume après derrière. Il t'a dit, on a un repas spécial pour les musulmans, t'inquiète pas, on connaît. Et il dit, vas-y, prends, mange, la viande, elle est halal, je te garantis qu'elle est halal. Ah, si tu le crois, tu manges. Un moment, tu es. Il est où celui-là? Attends. Vraiment, tu penses que je l'ai mis? Tu montes un escalier. Mathalan. Et en escalier, tu glisses. Il y a un frère qui est avec toi, qui marche avec toi pour monter l'escalier, juste derrière toi. Et en tombant, tu tombes sur lui, il tombe et se casse la jambe. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Tu ne te dommages pas? Tu n'as pas fait exprès? Non. Tu ne te dommages pas? Si. Ah oui, non, c'est pas ça. C'était l'autre en fait. Si lui il te repousse et que tu te fais mal, là tu ne te dommages pas. Voilà. Non, mais ça là, ouais. Tu as glissé, en glissant, tu es tombé sur lui involontairement. Tu n'as pas le péché de l'avoir blessé ou quoi, mais tu te dommages quand même. La dia, tu la payes. Car il s'est cassé la jambe par ta cause. Maintenant, un autre frère, il vient. Un frère, un musulman, il y a une dispute entre toi et lui, il veut te frapper. Vous disputez, il veut te frapper. Et en te frappant, il lève son poing pour te frapper au visage, et toi, tu arrives à esquiver son coup de poing, et il frappe dans le mur et se casse la main. Après, il dit, ah, il casse la main à cause de toi et tout. Est-ce que tu dois lui payer quelque chose à lui? Non. Non, tu n'as rien à lui payer. Car à la base, que l'auto, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que tu repousses. Non, on ne l'a pas dit celle-là. C'est la règle que si jamais tu repousses un mal, une chose qui va te nuire, que cela amène un dédommagement, à une altération, tu n'as pas remboursé. Mais pour l'escalier, ça marche aussi, non? Non. Alors, quelqu'un, il. Non, pas celle que tu as dit, mais les situations inverses, quelqu'un, il va te tomber dessus. Et tu l'esquives? Tu l'esquives. Bah, à la base, il est tombé de toute façon, toi ou pas toi, ouais, il est tombé. Là, ça marche. Ah, il a atteint un. Il se casse tout seul la jambe ou quoi? Ouais. Ah non, c'est pas de ta faute. Ah bah, c'est même pas de ta faute, il est tombé tout seul. Ouais. T'avais rien à voir. Tu vois? Mais de toute façon, tu serais resté, tu serais tombé avec lui. Mais si tu aurais pu l'attraper, après ça aurait pas valu l'irsan. Mais toi, t'as vu que toi aussi t'es tombé, quoi? T'es esquivé, il est tombé, après il s'est cassé la jambe. Par contre, si tu le repousses. Ou tu le repousses pour pas qu'il tombe, mais il tombe encore plus en fait. Ouais. Toi, il tombe, toi tu l'attrapes pour l'empêcher de tomber, et tu l'as mal attrapé, il tombe encore plus. Et il se casse la jambe en tombant. Toi, t'as voulu l'aider, mais quand t'as la marche apparaît, ça s'est pas bien passé. Là, t'as pas remboursé. À la base, il est tombé de toute façon. Ma alek minahad. Et on va finir avec une. T'as un masjid, ou la salat, qui a une distance insuffisante pour te permettre de faire les rawatib, les salawat nawafil, qui sont entre 4 avant dhor, la salane, ou 2 après. Deux avant le Fajr, ou Akaza, à la maison. Sinon, tu rates ta Takbirat al-Ihram. Alors que ces salawat sont meilleurs à la maison. Donc, c'est où tu ne les fais pas, tu vas au masjid après l'Azan, ou tu pars avant l'Azan et tu les fais au masjid, ou tu les fais chez toi, comme c'est la Sunna, et tu arrives au masjid et tu as raté ta Takbirat al-Ihram. Quel autre droit tu fais? Tu l'as un peu avant. Tu vas au masjid avant et tu les fais là-bas. Là, parce que là, tu es tazahum al-masalih. Donc tu prends la meilleure. C'est ce qui te permet de pouvoir faire les rawatib et d'avoir, à la base, c'est un wajib, takbirat al-ihram. Tu aurais pu l'avoir sans les faire aussi, mais tu perds le fard des nawafil. Donc tu fais quoi? Tu laisses cette sunna qui est de les faire chez toi quand tu ne pourras pas la faire. Elle va t'empêcher de faire un wajib, donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas au masjid et tu les fais là-bas. Non. Donc on va s'arrêter là. Il y a d'autres règles qu'on n'a pas pris là, mais on a pris certaines d'entre elles. Et alhamdoulilah, et après on verra par la suite si Allah nous facilite un autre petit livre, sûrement le Soul Firim al-Usul de Cheikh Othaymin, Allah Alam, on verra, Inch'Allah, ce qu'il en est. Bad Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Fa bidr kod naktafi, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.